liberté. Ta liberté, ta liberté, ta liberté, ta liberté. C'est d'accrocher ton tablier au clou pour penser, pour agir selon tes goûts. Ta liberté, ta liberté, ta liberté, ta liberté. C'est accrocher la colère à ton cou pour faire valoir tes droits à point. Ta liberté, ta liberté, ta liberté, ta liberté. D'avoir le teint couleur de peau au feu, de faire le gros dos devant ses fourneaux, et de faire un enfant une fois tous les ans, un enfant une fois tous les ans. Ta liberté, ta liberté, ta liberté, ta liberté, ta liberté, c'est d'accrocher ton tablier au clou pour penser, pour agir selon tes goûts. Ta liberté, ta liberté, ta liberté, ta liberté. C'est accrocher la colère à ton cou pour faire valoir tes droits à point, c'est tout. Ta liberté, ta liberté, ta liberté, ta liberté.